Guy de Maupassant publia en 1883 son roman intitulé « Une vie » dont l'action commence au début du XIXe siècle. Voici le découpage de ce roman, réalisé et enregistré pour vous en juillet 2011.